Phrase 3. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues suivants. Après chaque dialogue, vous allez entendre une question. Répondez à la question. 1. Pardon, mademoiselle. Est-ce que vous avez du feu, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le jeune homme demande à la jeune fille? Du feu. Il lui demande du feu. 2. Pardon, mademoiselle, vous avez du feu? Non, je ne fume pas. Pourquoi la jeune fille n'a-t-elle pas de feu? Parce qu'elle ne fume pas. 3. Moi, je fais de la sociologie et du droit. Ah, t'as raison. Le droit, ça mène à tout. Pourquoi Jean-Luc a-t-il raison de faire du droit? Parce que ça mène à tout. 4. Aujourd'hui, tous ceux qui font des maths, c'est la nouvelle mode. Pourquoi est-ce que toutes les filles font des maths aujourd'hui, d'après Jean-Pierre? Parce que c'est la nouvelle mode. 5. Je la connais, cette rousse. Elle fait du russe au Lorenzo. Que fait la jeune fille rousse comme étude? Du russe. Elle fait du russe.